So the victims tell a girl he offend them. To say MC Kiffon du cinéma kill them. Mes gars deviennent balèves à la balle quand je débarque sur l'instrumental. Le MC des campagnes, le plus phénoménal. So the victims tell a girl he offend them. To say MC Kiffon du cinéma kill them. Mes gars deviennent balèves à la balle quand je débarque sur l'instrumental. Le MC des campagnes, le plus phénoménal. Je mets mes couilles sur la table et je veux que ça sonne dur. Raga morphine et la posture, raga hip hop dans la voiture. On s'est dit que c'était l'occasion de revenir aux valeurs sûres. C'est dans les zones, dans les salles qu'on a vécu les plus aventures. Car on est big, on est bas sur les beats, on débite nos flots. Retour aux fondamentaux, encore un gros classique qui va gifler ta sono. On est big, on est sale sur les beats, on t'inquiète c'est pas chaud. Vas-y sur le damoiseau, pas prêt de lâcher l'affaire, on le fait pour les photos. Dans les sound systems j'ai fait mes classes. Et c'est bien le seul endroit où je me sens à ma place. Rentre dans la danse, voyez, cale-toi sur la basse. Le son est pur comme de la mélasse, on restera simple et efficace. Sur le rythme, c'est la guérilla, peine d'aime. Tous ces MC qui font du cinéma, kill them. Mes gars deviennent balèves à la balle quand je débarque sur l'instrumental. Le MC des campagnes, le plus phénoménal. Sur le rythme, c'est la guérilla, peine d'aime. Tous ces MC qui font du cinéma, kill them. Mes gars deviennent balèves à la balle quand je débarque sur l'instrumental. Le MC des campagnes, le plus phénoménal. Ce genre de son dans ma tête, je me prends pour Bojo Banton. J'ai un gros spliff et j'suis posé dans Kingston. Ouais, saut système dans la street, Riddim qui cogne. Ça wine sur la piste, jumble dans UL comme à la ceinture. J'ai mes cartouches, on laissera personne sur la touche. C'est du feu qui sort de ma bouche, ça sent l'odeur de la couche. Goûte mon retour aux sources, hey. On est de retour et tous les rageux tous, hey. On n'a jamais répondu à leur code, mais on a toujours répondu à nos potes. Nos vies c'est quelques notes, c'est pas un phénomène de mode. Drag et hip-hop comme à l'époque, y'a des morceaux qui te changent une vie. J'te parle même pas de viser le top. Je parle de la musique, pas thérapie. Sur le rythme, c'est la guérilla, peine d'aime. Tous ces MC qui font du cinéma, kill them. Mes gars deviennent balèves à la balle quand je débarque sur l'instrumental. Le MC des campagnes, le plus phénoménal. Sur le rythme, c'est la guérilla, peine d'aime. Tous ces MC qui font du cinéma, kill them. Mes gars deviennent balèves à la balle quand je débarque sur l'instrumental. Le MC des campagnes, le plus phénoménal.